charmé et tourmenté, à l'idée d'être éloigné d'un miroir si parfait. Que le cœur de cet ange azuré pour pouvoir me libérer. Comme des papillons qui s'envolent, mon âme déraisonne. L'art est long et le temps est court pour porter un poids si lourd. I wake up this afternoon and I dream on the air. I wake up this afternoon and I dream on the air. S'abreuve au bord d'un ruisseau. J'ai rendez-vous au bord de l'eau pour consulter tous mes mots. J'ai le cœur qui balance à la vue de cette romance, héritage fatal d'une timide et automnale. I wake up this afternoon and I dream on the air. I wake up this afternoon. I dream on the air. I wake up this afternoon and I dream on the air. I wake up this afternoon and I dream on the air. This afternoon, I wake up this afternoon.